Planet Rap. C'est l'émission rap de référence. 20h-21h. Ce soir, Planet Rap. Maître Gims. Et c'est parti pour une dernière soirée avec Maître Gims. Vendredi soir, Mon Cœur avait raison, le double album. Ça fait 15 jours qu'il est sorti, ce double album, Gims. Ouais, 15 jours. On peut fêter les 15 jours ce soir. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, quelle fête on va faire ce soir? Quelle fête avec la section d'assaut. Ah, yeah. Eh ouais, la section JR, elle est au Petrodollar, Doumams, Maska est là aussi, Barakadama. Il manque notre Black M. Il manque Black M et le Fa. Il manque Black M et le Fa. Mais la section est pratiquement au complet ce soir. Voilà. Bon, ça fait plaisir de tous vous retrouver, tout le monde va bien? Voilà. Parfait. En pleine forme, vous aussi, vous avez dû être content du succès, du véritable carton de cet album. C'est notre succès aussi. C'est le succès de tout le monde, comme je le dis à chaque fois. Mm. C'est le succès de la section, c'est une victoire pour moi et la section d'assaut. Après, ça nous a pas surpris. On connaît l'énergumène, le monstre. On connaît le spécimen. Et je dirais qu'encore, il a été gentil. Et bah tiens, juste avant de débuter ce Planet Rap avec vous, avec la section son, on va se rappeler ce qui s'est passé durant toute cette semaine. C'était toute cette semaine avec Maître Gims en direct sur Skyrock. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu l'inverse. J'ai cligné tes yeux, tu n'étais plus la même. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu C'est là avec nous, venu donc avec une nouvelle recrue au sein de ton label que tu as monté. Mais pourquoi avoir signé l'artiste? Moi, c'est un honneur qu'il ait pu rejoindre l'équipe parce que j'aime beaucoup son travail, j'aime beaucoup ce qu'il fait, vraiment. Toi, l'artiste est content de rejoindre évidemment forcément un label qui monte. Très content, très content. C'est un honneur pour moi aussi, c'est partagé. La joie, le plaisir est partagé, franchement. À partir de maintenant, ça va commencer, quoi. On aimerait une sortie pour fin d'année ou début 2016, vraiment, ça serait bien. Quel sera le nom du prochain album de Gims et de l'artiste? Je ne sais pas, il ne peut pas savoir. J'essaie d'avoir en fait une info et on exclut, donc j'essaie de gratter un petit truc. Maestro, peut-être. Après Phénoméno, ça s'appellera comment l'album? Maestro, je crois. Ah, c'est Maestro. Tu vois, je suis. Et maintenant, alors, autre info, le prochain album de Gims s'appellera Pilule Violette. Je sais ça en plus. Faut que ce soit un bon titre. Attention, fais pas ça, auditeur, auditrice. Déjà, mon cœur avait raison. Tu vois, il y a quatre mots. Là, faut rajouter des mots. Je suis allé trop loin. On a raison, on avait peut-être pas tort. J'essaie d'y croire. Je me vois sûrement la face. Je me vois sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. Je fais confiance. Aveuglé, t'es ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Voilà, une grosse semaine encore. Bon, qui avait débuté un peu d'une manière compliquée, parce que j'étais tout seul dans ce studio. Mais tu t'es bien rattrapé. Ouais, désolé. C'est vrai que lundi, c'était un peu compliqué. C'était compliqué. Mais là, tu es là. Ouais, c'était compliqué. Mais bon, je suis là, en chair et en os. Avec la section. Avec la section d'assaut. Ils sont là. D'ailleurs, on peut faire un petit point aussi sur tous les membres de la section. On va rappeler qu'il y a le projet. Je crois que le prochain projet, c'est vous, messieurs. C'est Vendetta. C'est Vendetta. 26 février. Vendetta. Voilà. JROCHROME. Voilà. Doumams. Ça y est, ça approche. Ça approche. On attendait tous une date. Ils ont bossé le truc depuis pas mal de temps. Charbonné, bossé, retourné au studio. Il y a je sais pas combien de sons. Et le choix a dû être difficile parce que il y a énormément de sons. Bah, peut-être que vous êtes encore d'ailleurs toujours sur le choix, non? C'est jusqu'à la dernière minute. Ouais, après, là, en fait, on a fini, on s'amuse. Non, mais les studios, c'est. Février, ça va. Oui, il y a encore du temps. Non, mais c'est jusqu'à la dernière seconde. Le studio, moi, c'est ce que j'ai compris, c'est jusqu'à la dernière seconde. Moi, j'ai des titres qui sont nés en dernière. Quand je dis dernière seconde, c'est vraiment. Mais toi, c'est le cas de Sapé comme jamais, notamment. Ouais, Sapé comme jamais, c'est le dernier titre avec Mon Cœur avait raison. Ils n'étaient pas prévus, vraiment. Pourtant, il y en avait déjà pas mal. Il fallait trier. Et en dernière seconde, je devais rendre le master genre le lendemain. Il a sapé comme jamais. Qui est arrivé comme ça. Par une nuit magique. Exactement. C'est incroyable. Bah écoute, pour Vendetta, vous avez encore un petit peu de temps avant de rendre justement ce qu'on appelle le master avant de. Jusqu'à la dernière seconde. Les prochains projets aussi pour Maska. Un petit mot sur Maska aussi, qu'on a plaisir à retrouver au micro de Skyrock. Ça va, Maska? Ouais, ça va, et toi? Bah ouais. Ouais, si, ça va. Moi je vais ressortir la suite de Espace-Temps. Espace-Temps, c'était en attendant temporel, donc là je suis sur un temporel. Et peut-être une petite mixtape avant, mais pour l'instant je suis beaucoup en studio et j'attends, quoi. Donc ça bosse. Ouais. Ça arrête pas en fait, dégage. J'ai l'impression que ça n'arrête jamais. Ouais. La Pétronation est représentée ce soir aussi. Elio Petrodollar est là avec nous. Ouais, comme toujours, tu connais. Comment se porte la Pétronation? La Pétronation est là. Écoute, là, en ce moment, j'étais en studio pour un projet qui s'appelle Le Premier Baril. Il est terminé. C'est du pétrole de qualité. Que des sons de qualité. Tu vois ce que je veux dire? Il sort bientôt de la raffinerie. Donc voilà quoi. La raffinerie. Donc prochainement, le Premier Baril. Le Premier Baril arrive. Il est plein. Et il y en aura plein d'autres. Et puis le président Barack Obama, on l'a dit, mais quand t'étais venu d'ailleurs la semaine concernant Gims, toi pour l'instant. Bah écoute, moi pour l'instant. C'est être beaucoup derrière les albums, justement beaucoup bosser avec l'équipe. Exactement. Et puis après je suis en studio, tu vois. Ceux qui me suivent sur Snapchat, sur Snap, Insta, Twitter. Je balance des fois des petits extraits comme ça. J'appelle ça la propagande. Ils ne sont pas à l'abri d'une surprise. Donc personne n'est à l'abri d'une surprise. Le parti est en train de se monter petit à petit. Et prépare les élections de 2017. Évidemment. On prépare les élections. Donc n'oubliez pas, votez Ragbava. Allez cliquer, allez voter. On écoute de Brisé pour débuter. Allez, ouais. C'est parti. C'est extrait de Mon cœur avait raison, Maître Gims. Des fois je t'aime, des fois je te hais. Pour ne pas dire que j'ai tout donné, j'ai donné tout autant que toi. Tes larmes coulent sur mes épaules. J'ai tout compris sans dire un mot. Ne monte plus les gens contre moi. C'est difficile de voir dans le noir. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore. Vois-tu comment le diable est habile. La vérité te déshabille. Rendez-vous dans une autre vie. Te souviens-tu d'être entré chez moi? T'as pu voir le cocon familial. T'avais pas le droit de me faire tant de mal. Je vais devoir éteindre les flammes par les flammes. Je te l'ai dit, tu as ce sourire au coin des lèvres. Quand tu mens, tu t'imaginais pouvoir t'en sortir encore et encore. Je me voile sûrement la face. Tu m'as poignardé dans le noir. J'ai fait confiance, aveuglé de ma confiance. Et tu m'as fait du tort. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. Parce que le cerveau suit le cœur. J'essaie d'y croire. Je me voile sûrement la face. Je me voile sûrement la face. Tu m'as poignardé. Cœur avait raison, c'est le double album de Gims, Pilule Bleue, Pilule Rouge. Yes, sur bleu Skyrock. Et rouge. Bleu et rouge. Comme certains l'appellent, ouais. D'ailleurs, on va faire un petit sondage express auprès des membres de la section, plutôt bleu, plutôt rouge. On va commencer par Doumams. Moi, ça va vous étonner. Ah. La bleue. Ah, toi, c'est bleu. La bleue, elle est vraiment relou. C'est vrai qu'on aurait pu dire rouge. Ouais, voilà. Mais la bleue, elle est vraiment relou. Et la rouge aussi, elle est relou. La bleue, c'est abusé. Donc, plutôt bleu. Moi, je suis plutôt bleu. Président. Bleu. Bleu. Masca. Ouais, bleu. Ouais. Elio. Peut-être rouge, Elio. Je vote bleu. Bleu franchement, il y a des morceaux qui m'ont touché. Il a ramené un univers. Par exemple. Par exemple. Cadeau. Ouais. Il me parle de ouais. De ouf. Ouais. C'est du. Wesh, il a tué la musique française, gros. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui. Et JR, je t'ai pas demandé. Au début, c'était rouge, mais. C'est quelque chose d'original. Moi, c'est violet, moi. Ah, un mélange des deux couleurs. Bien joué, bien joué. Violet. Bien joué. Pas mal. Je m'attendais à cette réponse. Si tu fais la réédition, tu devrais faire un CD violet. Ah, c'est clic, hein. Je crois qu'il y a du concept déjà. Il y a du concept. Il y a de l'idée, quoi. Donc, la pilule violette arrive. Ah ouais. Elle est en préparation. Donc là, c'est vrai que c'est assez marrant que vous soyez plutôt bleu. Mais c'est bleu, quoi? C'est clair, cousin. Ouais, bleu clair, mais c'est peut-être aussi, voilà, c'est une façon de voir aussi comment évolue Gims. Parce que Gims, je pense qu'il a rien à vous prouver au niveau rien, rap. Rien. Vous avez tous des souvenirs là-dessus. C'est incroyable. Donc de le voir sur la partie bleue, je trouve ça aussi assez logique, quoi. Le problème, lui, il est dans un énorme problème, c'est que lui, comme il a mis tout le temps la barre haute, c'est-à-dire qu'il a plus le droit de faire du son normal, quoi. Il est obligé à chaque fois de se dépasser, de faire, ouais, de surprendre. Franchement, il est dans un petit problème. Ah, de riche, mais c'est un petit problème. Ça, c'est un truc, non? C'est un vrai problème pour toi, ça, Gims, ou pas? C'est... Ouais, bah, il faut toujours se surpasser. Là, je me suis mis la pression de ouf pour faire plus fort que Subliminal. Laisse tomber, j'étais comme une jeune fille avant le bac. une jeune fille avant le bac, tu vois, tout le stress. Mmh. J'y arriverai pas. C'est un truc de. Ah, t'étais comme ça, j'y arriverai pas. La copine qui rassure, mais non, c'est bon, révise Nat. T'as révisé Nat. Non, mais j'y arriverai pas. J'ai pas le partiel. J'ai rien compris au cours. Bah, j'étais comme ça, tu vois. Bah, le fait d'être soutenu par l'équipe, justement, on le voit ce soir, tout le monde est là aussi. C'est de la psychologie, tout ça. C'est psychologique que tu vis une sortie d'album comme ça. Tu sais, il y avait tout. On s'est dit, il y a les sons, on a tout. On a ça, c'est bon, on a les gros sons. Normalement, ça devrait le faire. Mais tu vois, c'est. Vu que des fois, tu vois pas forcément l'engouement, le machin. Tu te dis, tu vois, tu dis plein de choses. Tu dis, ouais, mais c'est pas comme à l'époque de Subli, il y avait pas ci, on était plus comme ci, on était plus comme ça. Et tu te fais un tas de films dans ta tête et t'as peur, quoi. Tu dis merde. Tu réécoutes aussi beaucoup les morceaux d'avant, les morceaux de la section, les morceaux de bah, Subli. Ouais, je me refais des fois des petits. Pour la pilule rouge, tu vois, je me suis refait un petit. Je me suis rejoué pas mal de choses, tous nos freestyles sur internet et tout. Je me suis tout rejoué pour essayer de recapter un peu l'ambiance de machin, tu vois. Je me suis tout rejoué. Et c'est pour ça que les sons de la pilule rouge, tu vois, comme Melinda Gate ou le Barrier, tu vois, on dirait des sons à l'ancienne, tu vois. On dirait des sons à l'ancienne et tout parce que je voulais retrouver. T'avais besoin de retrouver ça. Mmh. Bon, un autre choix maintenant, je vais vous demander, c'est un morceau. Quel morceau on pourrait être en commun et passer maintenant? Moi, j'aime beaucoup Cadeau. Ce moment, Masca, vas-y, prends le micro qu'on t'écoute. Moi, j'aime beaucoup Cadeau. J'ai entendu lui aussi qu'il aimait Cadeau aussi. Donc, deux pour Cadeau, est-ce que ça va être unanime? Moi, en ce moment, je suis sur Barrier. Mais bon, personne ne va choisir. JR, toi qui avais bien départagé avec le violet tout à l'heure, est-ce que tu peux nous sortir quelque chose qui mettrait tout? Mon cœur avait raison. Ouais, ouais. Bon, moi j'ai envie de dire quand cadeau, même cadeau, ouais. Cadeau toi, parce qu'il y a quand même si on vote, okay, si on vote cadeau, alors il y a quand même l'unanimité pour cadeau. Ok. Masca, vous l'avez pas encore fait écouter cette semaine? Non, on l'a pas mis. Hein, jamais mis. Ah bah, ça serait une belle découverte. Et ben on le balance maintenant sur Skyrock. Le morceau s'appelle Cadeau, Maître Gims. Concentre-toi, tes bijoux ne valent pas ta présence. Tu ouvriras les yeux le jour où. Accroche-toi, ferme les yeux, concentre-toi. Tes bijoux ne valent pas ta présence. Tu ouvriras les yeux le jour où. À quoi me servent tes cadeaux? À quoi me servent tes cadeaux? Tu n'as pas su me soutenir, tu n'as pas su me retenir. À quoi me servent tes cadeaux? À quoi me servent tes cadeaux? Tu n'as pas su me soutenir, tu n'as pas su me retenir. Lui, j'ai accroché les plus belles perles autour de ton cou. Elle, oui, mais tu n'as pas su sauver notre couple. Lui, bébé, pourquoi cette ingratitude? Elle, pour te faire payer ton attitude. Lui, tu es immature, tu dis ça pour me faire mal. Tu n'as jamais craché sur mon statut, ni sur ma thune. Elle, reprends ta thune, c'est ton absence qui m'a tué. Je t'aimais, mais là, tu m'as montré ta vraie nature. À quoi me servent tes cadeaux? À quoi me servent tes cadeaux? Tu n'as pas su me soutenir, tu n'as pas su me retenir. À quoi me servent tes cadeaux? À quoi me servent tes cadeaux? Tu n'as pas su me soutenir, tu n'as pas su me retenir. Hey. Je ne veux plus vivre avec un fantôme. Même si pour moi tu dévalises la place fantôme. Même si tu m'offrais des bijoux par centaines, je n'ai plus aucun sentiment pour toi, je m'en vais. Lui, c'est ça, va-t'en, ça me fera des vacances. Rends-moi les clés claquées, c'est claque à porte en partant. Je n'ai pas de temps à perdre là-dedans. Tu n'es pas si importante, t'es comme toi, y'en a tant. Elle, aucune autre ne t'aimera vraiment. Elle t'aime pour les sacs et les vêtements. À chaque fois que t'ouvriras la bouche, elles riront bêtement. Et à pleine dents le jour de ton enterrement. Tu pensais que tes cadeaux me donneraient le sourire. Tu pensais que tes cadeaux remplaceraient les souvenirs. Mais j'ai enfin trouvé la force de te le dire. Je me tire, tu n'as pas su me retenir. Accroche-toi, ferme les yeux, concentre-toi. Tes bijoux ne valent pas ta présence. Tu ouvriras les yeux le jour où. Accroche-toi, ferme les yeux, concentre-toi. Tes bijoux ne valent pas ta présence, tu ouvriras les yeux le jour où. À quoi me servent tes cadeaux? À quoi me servent tes cadeaux? Tu n'as pas su me soutenir, tu n'as pas su me retenir. À quoi me servent tes cadeaux? À quoi me servent tes cadeaux? Tu n'as pas su me soutenir, tu n'as pas su me retenir. Elle se sauve. À quoi me servent tes cadeaux? Tu n'as pas su me soutenir, tu n'as pas su me retenir. À quoi me servent tes cadeaux? À quoi me servent tes cadeaux? Tu n'as pas su me soutenir, tu n'as pas su me retenir. Tu n'as jamais su me soutenir, tu n'as jamais su me retenir. Tu n'as jamais su me soutenir, tu n'as jamais su me retenir. Tu n'as pas su me retenir, tu n'as jamais su me soutenir. Tu n'as jamais su me retenir. Tu n'as jamais su me soutenir. Tu n'as jamais su me retenir. À quoi me servent tes cadeaux? À quoi me servent tes cadeaux? Tu n'as pas su me retenir. À quoi me servent tes cadeaux? À quoi me servent tes cadeaux? Voilà, à l'instant, le morceau qui s'appelle Cadeau, extrait de Mon cœur avait raison. Très bon choix, bravo Elio, bravo Masca. Yes. Pour ce morceau qui tourne beaucoup a priori. Voilà, c'est, il fait partie de vos morceaux préférés sur ce double album. Mais toi aussi, Games, toi aussi. J'aime beaucoup ce morceau, énormément. J'ai entendu dire ouais d'un seul coup, ouais. Non, sérieusement, j'aime beaucoup ce morceau. C'est pas de la fiction, hein. C'est des choses. C'est autobiographique, toi. Il est né comment, tiens, d'ailleurs, celui-ci, t'as un souvenir de à quel moment il est arrivé dans la construction de l'album? Il est arrivé dans c'est les premiers sons, il fait partie des premiers sons que j'ai fait, mon album. Si on remarque bien, il ressemble un peu à, vite fait à Briser au niveau des ambiances, des voix au début. Ça s'est fait dans les mêmes périodes. D'accord, c'est marrant parce que tu bosses sur des morceaux qui parfois peuvent avoir la même couleur aussi en même temps, ou t'essayes d'alterner par exemple? Non, j'essaie d'alterner, des fois c'est pas volontaire, des fois tu peux te retrouver avec deux morceaux qui ont les mêmes grilles d'accords, machin. Des fois ça peut être un problème. Des fois ça peut être un problème parce que c'est deux bons sons mais ils se ressemblent trop. Et j'aime pas faire des sons qui se ressemblent. Même s'ils sont bien, ça peut se faire, mais j'aime bien varier. Ben c'est la preuve avec la pilule bleue et la pilule rouge qu'on retrouve dans les bacs depuis une quinzaine de jours maintenant. La section est pratiquement au complet. Ouais. Ça fait plaisir ce soir aussi. Ouais. Tu voulais dire un truc, Masca? Non, juste qu'il manque Black M. Ouais. Et là, il y a son. Je suis chargé de dire qu'il y a son clip. Tu es le porte-parole de Black M. Qui est sorti à 18h, qui est sur YouTube, de la BO d'Aladin. Ah, ça y est, le film qui arrive avec Kev Adams. Ouais. Donc ça y est, il est dispo. Ouais, il est dispo, il est lourd, c'est une dinguerie. Le clip, c'est une dinguerie. Toujours avec le même réalisateur, Tony Truant, qui fait des folies. Et qui est celui qui a développé l'image de Black M. Et c'est un très beau clip, et allez le voir tout de suite. Bon, un petit mot aussi d'ailleurs, tiens, quand les chats sont pas là, les souris dansent, mais un petit mot aussi sur Black M, tous contents aussi du succès de Black M, justement, parce que c'était pas simple, il est arrivé aussi derrière toi. Ouais, c'était pas simple, franchement, il a fait quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il est arrivé, c'était en il est arrivé de plus en plus fort en fait, crescendo, tu vois, c'est il a vraiment, avec la tournée, il a fait je sais pas combien de dates, on en parlait la dernière fois ensemble, je lui dis mais c'est un truc de fou, t'es pas fatigué. Et il tourne encore jusqu'en décembre, là, c'est incroyable. Et après, bah il va peut-être tourner en Afrique, c'est ouf. Non, Black M, c'est la fierté. C'est une fierté. Pourquoi c'est particulier, excuse-moi de t'avoir coupé mon sauce. C'est parce que, en fait, c'était évident, Maître Gims en solo. C'était une évidence, vraiment, on l'attendait. C'était évident que ça allait être lourd. Mais c'était pas évident pour les autres membres du groupe. Et Black M, il a vraiment conforté cette idée-là que chaque membre du groupe, il pouvait faire un solo. Et il est venu derrière, il a fait un gros succès aussi. Donc on est très fiers de son album. Voilà. Ouais, bah, très bien, bon, on le salue. Et puis la tournée, en parlant de tournée, à pas louper. Dès le 12 novembre, Games. Dès le 12 novembre. Ça, par contre, toi, tu vas y aller là. Il va falloir charbonner un peu en tournée. Ouais, il va falloir y aller. Ça y est. Oh, mais j'ai hâte, hein. Franchement, la tournée, c'est magnifique. C'est ça vous manque pas d'ailleurs tous de repartir en tournée un peu là? Bah, moi, j'étais avec lui au Togo la semaine dernière. Oui, je sais, vous êtes arrivé à la bourre. Et franchement, déjà, le fait de le revoir sur scène et tout, ça m'a. Ah, je me suis dit, ah putain, j'avoue. Ah, ouais, ça t'a démangé un peu, tu t'es dit merde. Ah, ouais, c'est un strebon, hein. Entre parenthèses, c'est un monstre sur scène. Hein. J'arrête pas aujourd'hui avec les éloges. Excuse-moi, mon sang, je sais qu'il aime pas trop ça. Sa bière. Ouais, mais sa bière, je suis obligé de le bière. Je suis obligé de le bière parce que ce que j'ai vu, j'ai pris une sacrée claque là-bas au Togo. D'ailleurs, gros big up au public togolais. Hein. Ouais. Ils m'ont fait vivre. Stalomé. Ouais, Stalomé. Stalomé. Oh, on est arrivé, j'étais avec DJ Lassoine au platine. Mmh. Et il a envoyé ça fort. Il a cassé fort. Un instant, il y aura aussi un live. Fort. Tu nous feras le morceau Longue Vie d'ailleurs dans quelques minutes. On vous attend au freestyle de Planète Rap. Bougez pas, le retour du Planète Rap. Juste avant, je vais te faire écouter aussi, puisqu'on avait filé le portable, le 06 71 74 84 15. Une petite sélection des messages qui ont été laissés sur le répondeur. On écoute ça maintenant. Et il y a la pub juste après. Ah, Maître Gims, Maggie Warano, plus bleu, plus rouge. Mon pote. Eh gros, t'es le meilleur, change pas. T'es le meilleur. Franchement, là, je suis en train d'écouter ton album à fond dans ma chambre. T'es le meilleur. Change pas. Oui, c'est une grande fan, Nadia de Bergerac. Mes enfants t'adorent, Maître Gims. Maître Gims, c'est le meilleur. Maître Gims, on t'adore, c'est super. Ton album, il est génial. Sur les Nordistes. Ouais. Au revoir. Showtime. C'est Maître Gims dans Planète Rap. Planète Rap. Maître Gims en direct sur Skyrock. Let's go. C'est l'émission rap de référence. Planète Rap. 20h-21h. Ladies and gentlemen. Ce soir, Planète Rap. Maître Gims. C'est Skyrock et c'est le Planète Rap avec Maître Gims, avec la section qui est là pratiquement complète sur Skyrock entre 20h et 21h. Ouais. Et on avait promis après la pub un morceau. Ouais. Extrait de Mon cœur avait raison. Alors est-ce que ça y est, le choix est fait? Le choix est fait, on a choisi le barillet. Pourquoi? Pourquoi? Parce que déjà la majorité. Il est lourd, c'est tout. Déjà. Et le son est particulièrement lourd. C'est tout. Un son comme ça kick. On n'entend plus trop de kickage comme ça de nos jours et c'est bien de. C'est bien de revenir avec ça un peu. Ouais, je peux me permettre de revenir dessus parce que tout à l'heure, on a tous voté la pilule bleue. Ça pourrait faire croire que ça dévaloriserait la rouge, mais en fait, c'est juste nous, on est des amoureux du tube et de la musique. Donc, comme c'est la couleur de la bleue. Mais la rouge, c'est une folie. Bah là, au niveau du rap, citer quelques dinguerie. Morceaux comme Uzi, par exemple, qui sont Mayweather aussi. Pareil. La main du roi, c'est une folie. Il y a des punchlines comme rares. Il y a pas beaucoup de rappeurs français qui en sortent. C'est une leçon de rap. C'est Maître Gims. Il t'apprend le rap. C'est une dinguerie. Ah, ils sont durs avec moi aujourd'hui. Non, ça bière sec, c'est bien. Non, il y a de la technique. T'as vu comment on te bière là? Quand ça va être les amis des gens, tu vas venir ici. Ah, vous savez très bien, gros. Je suis un très très grand vendeur. Ouais, grand vendeur. Ouais. C'est vrai, je suis un grand vendeur. Vous le savez. Tu dors pour de vrai. Bon, on retient, on le ressortira, ça d'ailleurs. Avec volontiers. Allez, on balance ce morceau maintenant, barillé sur Skyrock. Ça résonne fort d'ici à Dreux. Si elle peut me suivre, je l'amène jusqu'à Seattle. Je les étonne, comme si je gonflais mes pecs au Saint-Ol. On s'épaule, forcément pour pas finir à Sainte-Anne. Je compose, Mozart doit se retourner dont ça tombe. Je suis choquant, ils disent qu'ils ont jamais vu ça en 100 ans. On supporte l'impossible, on veut le cap de six portes. Les sentiments d'un six portes, dur comme de reconnaître 7 heures en 7 ans. Tu veux manger partout, t'as pas 7 ans. Tu vois la chambre de bonne là-haut, ma vie je l'ai passée dedans. J'ai pas vu depuis l'époque la cantine. Tu m'as senti, je veux des milliards de centimes. Ne me juge pas, petit range ton trèfle à quatre feuilles. Là t'es dans un cercle plutôt dangereux. On oublie même que le ciel est bleu. Tu vas finir aveugle comme une arme à feu. Petit range ton trèfle à quatre feuilles. Là t'es dans un cercle plutôt dangereux. Aveugle comme une arme à feu. C'était Amstram, gram, piqué, piqué, collé, gram. Maintenant c'est Instagram. Et je bibi quelques grammes. Après je lance les bagues. À la Victoria Beckham, moi y'a du business d'armes. Les petites allumes en bécane. Et rien qui pleut des phases. On veut me guider pour le prime. Mais oui, j'ai pris du grade. Depuis l'écrasement des crânes et les trois quarts des quatre. Sur le côté comme les caves, y'a zéro respect. Du coca dans le sang, les quand le médecin arrive. T'es baissé, c'est que c'est grave. Et ça n'annonce rien de bon. Dans l'électrocardiogramme. Et on me demande me guider. Putain de merde, qu'est-ce que tu trames. Mais oui, ça va trop vite. Je me faufile entre deux dames. Tout se passe comme prévu depuis l'époque de la cantine. Tu m'as senti, je veux des milliards de centimes. Ne me juge pas, je fais partie des Antilles. C'est noir foncé, Paris c'est Banshee. Petit range ton trèfle à quatre feuilles. Là t'es dans un cercle plutôt dangereux. On oublie même que le ciel est bleu. Tu vas finir aveugle comme une arme à feu. Petit range ton trèfle à quatre feuilles. Là t'es dans un cercle plutôt dangereux. Aveugle comme une arme à feu. Leçon. Mon cœur avait raison. Il avait bel et bien raison. Il avait bel et bien raison. Yeah. On n'endort pas l'anesthésiste. Comme ça, ce A. Les c'est Jean Assort. Harry. What are we, what are you? Dani, quel prod, merde. Dans les studios. Paris et Panama, Paris et Panama, Paris et Panama, Paris et Tikangana Lembio, Paris et Tikangana Lembio, Paris et Tikangana Lembio. Maître Gims, mon cœur avait raison, et donc ce morceau de Paris est qu'on écoutait à l'instant. Pour tous ceux qui disent que ça ne rappait plus, vous avez été servi. Ouais. Ouais, exactement. Il n'y a plus rien à dire. Non, il y a juste à écouter. La pilule bleue, la pilule rouge, c'est sur le double album de Maître Gims qu'on découvre encore ce soir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, hein, l'album qui fait un véritable carton, cet album de Maître Gims. Avant aussi de partir en tournée à partir du 12 novembre, à pas louper. Peut-être qu'il y aura certains membres de la section qui te rejoindront aussi. Bien sûr, sur la tournée. Sur la tournée. Évidemment. Peut-être même le 14 décembre à Bercy, on ne sait jamais. Évidemment. On est à l'abri de rien du tout. On est à l'abri de rien. À suivre. À suivre. Dans un instant, vous choisirez aussi un autre morceau, messieurs. Je sais pas si vous êtes d'accord déjà sur une petite idée d'un titre en particulier. C'est quoi ? Bah, réfléchissez tranquille. On accueille Claire là, juste avant de Serra. Salut Claire. Salut. Ça va bien Claire, en pleine forme ? Super, ça va. Bah, je te présente Maître Gims, la section qui est là aussi ce soir dans l'émission. Claire. Oui. Tu es prête, toi, tu viens chanter, Claire, dans l'émission ? Ouais, c'est ça. Eh ben, on t'écoute chanter, c'est parti, c'est la session freestyle chant par téléphone. Ouh, freestyle chant. Ouais. Bien ça. Ok, illustre. À tout bout de champ. Pourtant je change de rythme et je ne m'incline devant les rires. À contre-sens j'avance mes rimes, même si les autres ça les anime. Je prends de l'avance sur la vie, car personne ne sait quand je vais mourir. Je dois penser à ma survie, qu'à notre époque c'est de pire en pire. Mon empire de condoléances s'est passé depuis mon enfance. Désormais l'avenir est une feuille et le passé s'inscrit en encre. Mon esprit analyse et gueule pendant qu'à l'écrit je défends. Certains pensent que j'ai de l'orgueil, mais je suis doté d'intelligence. Quoi que les gens pensent, je suis ma route si je dépense pour qu'on m'écoute. Pour les dents qu'on a contre moi, même si j'avance, écoute que coûte. Écoute-moi, attends, si mange, je n'ai pas l'âge pour qu'on me mente. On a tenté successivement de me rendre comme eux, c'était pesant. C'est là si on disait, t'entends moi, on t'écoute jamais, on venait toujours me raconter la plus grosse vanne qui était pas vraie. Mais j'ai cru et surdoué, pendant les absurdités, les histoires qui exprimaient faisaient le buzz quand je regrettais. Maintenant que les temps ont changé, que le vase s'est renversé, j'écoute mon cœur qui en progrès me conduit là où je rêvais. J'ai pris des haltères, natif, j'ai trouvé mon alter. Ego et quand on alterne nos rôles, avoue le mien est le plus drôle. Je me balade la fleur au fusil, plutôt avec tous mes outils. Avec Marie Bambelle, t'amis, ceux qui ont su essuyer la pluie. Les nuages sont passés dès lors, j'ai compris ce qui valait de l'or. Lorsque tu ne sais plus qui je suis, c'est mon miroir qui me le dit. Lucidité un peu tardive, j'avoue l'avoir eu les soirées. L'alcool que l'on a plus en sang, mon esprit ado s'étend. J'ai soulevé des problèmes immenses, j'ai consulté l'autodéfense. Puis alors, mais je me suis dit qu'il fallait peut-être que j'y pense. Qu'il existait une réponse, une question qui nous tourmente. Qu'en retournant de fond en comble, les amours se révèlent immenses. Les cœurs heureux, les cœurs peureux, les cœurs saoulés sous les envieux. Les cœurs à texte sont sincères, juste un prétexte pour qu'ils nous servent. Étourdissant parfois les autres, me pense être que je ne suis pas. En grandissant, j'ai compris l'autre, celui qui n'était pas moi, je suis celui que tu n'es pas. Celle en qui tu aimerais voir, écoute ce son centré sur toi. Tu l'entends de mon entrevoi, coûtant l'argent, j'ai levé le pas. Personnage, j'en suis si bas, j'ai pris du temps avant de comprendre que pour les autres, j'étais un cas. En cas de malaise, j'ai touché là où tout le monde paraît bien solide. L'objectif que personne n'a, celui de les rendre sensibles. Yes, Claire, okay. À l'instant. Je pensais que ça allait chanter, mais non, ça kick, hein, Claire, en fait. Non, ouais, je rappe, ouais. Eh bah, terrible, merci à toi, Claire. On peut te retrouver sur le net quelque part, vas-y, balance. Ouais, chaîne YouTube Illustre, et puis sur Facebook, Claire Toribio. D'accord, et ben merci, on te fait un bisou, Claire. Merci à vous. Ciao, passe une bonne soirée. Maître Gim, c'est là, mais ce n'est pas tout. Dans le studio, il y a aussi une partie de la section avec monsieur le président Barack Adama qui est là. Masca Elio Petrodollar, Girochrome, Doom Mams et Maître Gims aussi. Ouais. Dans un instant, tu feras un live, longue vie. Yes. Longue vie sans le Fa, parce que bon. Sans le Fa, ouais. Écoute. Il n'est pas là parmi nous ce soir, mais on le salue. On salue. Tout comme Black M. Vous êtes d'accord sur le morceau? Est-ce que tout le monde est tombé d'accord? On est tombé d'accord sur un morceau, ouais. Qui est ABCD. ABCD, un petit mot sur celui-ci, comment il est né? Celui-là, c'est un des premiers sons qui est né. C'est le premier son rap de la pilule rouge, en fait, qui est né. Et c'est pour ça qu'aussi je l'ai mis en introduction, de la pilule rouge. C'est le premier son de la pilule rouge, simplement un des plus anciens. Il est venu juste après Brisé. Donc voilà, tout simplement. Et bon, on l'écoute maintenant, ABCD sur Skyrock. A.U.B. City. Monsieur, voilà mon CV. Dire qu'il y a quelques temps, le frisbee c'était mon CD. Avec brouillard, laisse-moi me tèche par la fenêtre. Parano, depuis quelques temps, j'ai confiance comme mon opinel. Ce monde est barré, tu gagnes dans la même soirée. J'suis noir, c'est déjà compliqué, pas question d'être un enfoiré. Ourti, j'te l'ai dit, ce mec cherche à te Kenny. Tu te feras moins taquiner avec un Sergio Tacchini. Tu cherches de la compagnie, mais dans le club, y'a que des gamines qui rêvent de contempler les Caraïbes sous cocaïne. Bientôt désarmé, l'impression de me faire violer. J'ai vu mon reflet dans un lac, je n'ai vu qu'un billet violet. Tu veux la vérité? Ou chanter, on va s'aimer. Quand tu sais tout ce que je sais, c'est dur d'aller se faire vacciner. Pas que t'es une terreur ou un petit anti-kineur. Dites aux pédophiles que son crime n'est pas un délit mineur. Sans vouloir t'offenser, c'est dur d'être un vrai français. Le conseil qu'apporte la nuit, la journée te le déconseille. Demande au Yorobo, c'est Muggy Warren, le robot. Ne tire jamais la chasse, bébé, au cas où j'irai du roro. Dealer, tu sais mort, lui c'est bien mon dernier mot. T'as donné le maximum, t'as disparu comme Massimo. Car c'est gravissimo, fous au sol comme un sumo. C'est dur, décidément, tu tiens les murs, t'es dans le ciment. Paris à ses bandits. Et ces bandits repentis, y'a des gens dans le dîme et des gens qui se dandinent. Ça veut se faire aimer pour pouvoir fanfaronner. Sortir la tête couronnée avec le pif fariné. ABCD, c'est pas l'armée du salut. Pendant que tes frères s'allument, la terre mère demeure à salut. L'ennemi sur ma route, du C4 sous ma roue. L'avenir c'est par où, celle-ci sous par où, sous par où. Ça commence chaque année, je les vois déjà s'acharner. Je les vois toutes chialer, appeler leur chihuahua Chanel. On essaie de me salir, je suis capitaine comme de Saïr. Je suis du Zahir, fier comme ceux qui se revendiquent de Jazzaïr. Sale comble à Paris. Pendant qu'elle est Zegara, tu la veux, mais elle veut la bague à 44 carats. Star dans la capitale, star dans le Nord Pas-de-Calais. Je confierai pas à Aïcha, à Jim, car il n'est pas carré. A.U.B. Si. Mmh.

change pas, une équipe qui gagne. Tu vois ce qui se passe, DJ la soirée au platine. Allez, n'est pas là. Allez, souris, danse. Et quand je n'ai pas là. Et bah, les souris, danse. Et quand je n'ai pas là. C'est simple, les souris, danse. Quand je n'ai pas là. C'est simple, les souris, danse, nigga. À l'instant live, je pense qu'on veut faire du bruit aussi pour le retour. Yes. À l'instant au micro de Skyrock sur le live. Il est là. Il est là. Est-ce que je peux te parler? Bien sûr. Parce que chaque fois que je demandais tes nouvelles, on me disait mais suis sur les réseaux sociaux, va sur Lefa authentique, machin. Donc là, on peut te parler Lefa. Bien sûr. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de tous vous retrouver. Bon, c'est vrai qu'on salue Black M aussi. Hein. Ouais. La section pratiquement au complet ce soir. Lefa, comment ça va? Bah écoute, ça va. Hein. On est là. Ça fait plaisir d'être avec toute l'équipe. C'est vrai que ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Sky. Et je tiens à féliciter Maître Gims parce que vraiment il a fait un album qui est... Je crois qu'il n'y a même pas de mots pour décrire l'album qu'il nous a pondu. Un double en plus, c'est ton album. Double album. Un concept de fou. Il a su répondre aux attentes de son public. Et voilà, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc voilà, félicitations. Je pense qu'on peut l'applaudir. Ouais. Merci à l'équipe. C'est votre album, les gars. Et évidemment, on le disait, il y a ce morceau qui a beaucoup tourné, le morceau Longue Vie, où tu fais ton apparition après un premier morceau que tu as balancé il y a quelques mois aussi. Il y a quelques mois, qui annonçait ton retour. De Black. C'était pendant le Planète Rap de Black M. Exactement, il m'a fait cette passe-là, donc je le remercie. Yes. Et voilà, c'était un morceau très rap. Donc voilà, je tenais à revenir avec un morceau comme ça. Voilà, après il y a eu Longue Vie. Faut savoir qu'à la base, j'étais pas prévu sur le son. Je suis arrivé au studio, comme d'habitude, pour donner de la force. Je suis tombé sur la prod. Ouais. Il avait pas encore écrit le refrain, il avait juste la mélo. On a commencé à écrire le refrain ensemble. J'ai dit, gros, tu peux pas me laisser comme ça. Je vais poser sur ce titre. Mais... En plus, j'ai envie de dire, c'est un peu comme le vélo. Hein, la preuve avec Lefa, ça s'oublie pas. Hein. Ouais. Je sais pas ce que t'as fait pendant ces quelques années d'absence. Peut-être vivre un petit peu, voilà, respirer. Ouais, je me suis bien reposé. Donc voilà, là, je reviens en forme. Bon, alors, c'est pour quand? Bah écoute, j'ai envie de te dire, reste branché. Ah, ça y est, merde. Le retour sur les réseaux sociaux. On voit sur les réseaux. Non, zéro respect sur Sky. Vraiment, Lefa, je m'attendais à ce que tu me dises. Mais là, j'arrive dans 15 jours, je sors un album comme ça, bam. Non, tu sais quoi, regarde, en exclusivité, je vais te lâcher une info. Je suis sur quelque chose, je prépare quelque chose. Je vais pas en dire plus. Juste, voilà, restez branchés sur les réseaux sociaux, donc ouais. Twitter, Instagram, Facebook, c'est Lefa Authentique. C'est Lefa Authentique, ouais. Je vais pas tarder à balancer des petites choses là, ça va arriver très très très bientôt. Je laisse Muggy finir le boulot. Bon les gars, est-ce que vous pouvez témoigner au moins, est-ce qu'il est chaud Lefa là avec les morceaux que vous avez pu entendre? Plus que jamais, Il a transcendé, il transcende. Bon, ça fait plaisir en tout cas de tous vous retrouver. Merci Lefa d'être passé pour ce morceau Longue Vie. Comme je vous tiens encore là à peu près tous, est-ce qu'on peut dire aussi un mot sur le retour de la section ou c'est trop demandé? Là, je pense que c'est une forme déjà de ce fait qu'on soit là, c'est le retour déjà de la section, tu vois ce que je veux dire? C'est le retour de la section en soi. Donc ça laisse sous-entendre pas mal de choses. Après parler d'un projet, donner des dates, etc. Je pense c'est trop tôt. La section est jamais partie, mon gros. On est toujours là. Mmh. Pour ceux qui doutaient ou machin, ils sont embrouillés, ils sont plus ensemble, d'autres il est en solo. On est là, regarde, on est tous. Bon, là. En même temps, vous y attendiez aussi, forcément, parce que même à l'époque, quand on parlait des projets solo de chacun, c'était des trucs aussi qu'on évoquait en disant, ah mais pensez pas que les gens vont dire ça y est, c'est fini pour la section, etc. Bah non. C'est logique. Ouais, bah oui. La preuve. Bah écoute, MCAR dans les bacs, c'est l'album aussi de la section. Ouais. Donc voilà, et les albums qui vont arriver, ce sont les albums de la section aussi. Voilà, c'est des victoires pour la section d'assaut, tout ça. Et ben, ça fait plaisir de vous retrouver sur Skyrock entre 20h et 21h. Lefa était avec nous pour le live ainsi que toute l'équipe de la section. Avant de se quitter, avant de se dire au revoir, on écoute Brisé. Non, Sapé comme jamais, on a débuté avec Brisé, Sapé comme jamais. C'est le week-end avec Niska, justement. Le week-end avec Niska, lourd. Et d'ailleurs, Niska ce soir dans la nocturne, loupez pas, c'est ce soir là, juste après D-Fool, il y a Niska qui débarque aussi. Okay. Et ben, on l'écoute maintenant avec Maître Gims, Sapé comme jamais. On casse ta porte, c'est la Gestapo. Je vais te retrouver, Muggy Colombo. Ça veut vendre des tonnes à la Gustavo. Un café sans sucre, j'en ai plein sur le dos. Et ouais, ma puce, là, tu me rambo. Ça va faire 6 ans qu'on met des combos. Je manie les mélos, oui, voilà donc. Tu te demandes si c'est pas un complot. Oh les mains, sauf les mecs, ça paie en bas les mains. Bas les mains. Ça roule façon Aladdin. Oh les mains, sauf les mecs, ça paie en bas les mains. Passe avant minuit. Je rêver de faire vivre un dream. Avance sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Contrôle la maison, apprécie mon parcours. Hende Katako, sale petit coquin des cocu. Quand elle m'a vu, elle t'a plaqué. Fais les gamos, pour deux crocos sur la chaussée. J'suis congolais, tu vois, j'veux dire. Normatisé, maître Gims m'a convoitisé. Charlie Delta localisé, l'embilasson focalisé. Tapé comme Chacha, Chama, dorénavant j'fais des jaloux. J'avoue, je vis que pour la victoire, un Messi. La concurrence à ma vessie. Le Bousano et Hermès. Lui vite ton sac, j'veux la recette. Passe avant minuit, je vais te faire vivre un dream. Avance sur la piste, les yeux sont rivés sur toi, les habits qui brillent, tels les mille et une nuits. Paris est vraiment ma. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Kinshasa na Brazza, Libreville Abidjan, Yaoundé na Douala, Bamako na Dakar, Nani Saint-Théo, Medjik na Darcyé, Bilou na Demdemo, Djuna Djana na Yelele. Ça fait comme jamais, ça fait comme jamais, ça fait comme jamais. Ça fait comme jamais, y'a Loulou et Bouddha, Loulou et Bouddha, y'a Coco na Chanel, Coco na Chanel. Sapé comme jamais à l'instant, Maître Gims et Niska sur ce morceau extrait du double album Mon cœur avait raison. Yes. Je me souviens encore de cette soirée incroyable il y a une dizaine de jours. Avec Norbert et Niska. C'était ouf. Quelle classe. La classe. Bon, c'était encore une très belle soirée aussi. Merci à vous, à la section d'être passé. Merci Masca d'être passé. Merci à vous. Merci au président Barack Adama qui était là avec nous. Giro Chrome. Merci à tous. Avec Doumams pour Vendetta, le projet, on vous l'a dit. Comme jamais. Qui arrive prochainement dans les bacs au mois de février. Le projet à pas louper. 26 février. Puis le FA donc qui était là avec nous. Le pétrodollar, la pétronation aussi était là. Ouais, le baril est plein, le pétrole est libyen. Bah, merci à vous tous d'être passés en tout cas ce soir. Et juste avant de se quitter, Gims, on file les dernières places dans la roulette. C'est parti. Gagne les premières places de concert pour voir Maître Gims près de chez toi. Avec Mathieu de Saint-André de l'Eure. Ça va bien, Mathieu? Ouais, tout bien, ça va. Eh ben écoute, en pleine forme, on est avec la section, il y a Gims qui est là et toi tu as tenté aussi de choper des places pour cette grosse tournée qui débute à partir du 12 novembre à pas louper, Maître Gims en tournée avec Skyrock. Yes. Mathieu, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt, oui. On t'écoute, dès que t'as envie, tu dis stop, c'est parti. Stop. Et la roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Skyrock. Eh ben c'est Maître Gims. Le concert, la tournée à pas louper près de chez toi. Il y a deux places qui t'attendent, Mathieu. Génial. Merci à toute l'équipe de Skyrock et à Maître Gims. Merci. Eh ben, bon concert, Mathieu. En attendant, bon week-end. Merci à toi, Mathieu. Je peux faire une petite dédicace? Vas-y, on t'écoute. Alors, je fais une dédicace à ma petite copine qui m'écoute, avec qui je vais aller voir Maître Gims. Terrible. À mes potos qui sont encore au lycée de Turville sur le ponton de mer. Et puis à Valentin et Gabin qui sont dans leur tracteur aussi. Ouais, bah toute l'équipe dans le tracteur, une grosse dédicace, merci. Merci à toi, à plus, ciao, passe une bonne soirée, un bon week-end. Merci Gims en tout cas pour ces deux belles semaines avec l'album qui fait un carton, on vous le dit, Mon cœur avait raison, allez-y les yeux fermés, pilule bleue, pilule rouge. Ouais. Et puis voilà, pour le retour de toute l'équipe aussi, ça fait plaisir de retrouver tout le monde durant cette soirée. Ouais, c'était une bonne semaine, c'est cool. Gims, je te laisse être reposé un peu, ce week-end c'est quoi? C'est repos, c'est boulot? Ouais, repos, c'est... pas vraiment, hein. Toujours un peu en promo partout, on est toujours en promo. L'album vient de sortir, donc il y a pas mal de demandes, On est un peu partout. Et puis rendez-vous sur les différentes routes de France là, à partir du 12 novembre. À partir du 12 novembre, ouais. Première date à Nantes. Ne loupez pas la tournée avec un gros Bercy aussi qui est prévu. Hein. Ouais, le 14 décembre, Bercy. Et je pense qu'il y aura aussi des belles surprises pour ceux qui viendront du côté de Bercy. Exactement. Merci Gims, merci à vous tous. Merci. Passez une bonne soirée. Tout à l'heure, Niska qui débarque dans la nocturne, à pas louper sur Skyrock. Et là, c'est Difool, toute l'équipe, on est parti, c'est la raté. Oh là là, mais la grosse soirée continue, Fredo. Ouais. Oui, ouais. Ça continue, ça continue. Niska, minuit tout à l'heure, juste après la radio libre. Ça va être sympa, ça, tiens. Niska, on le salue et puis on l'attend avec impatience. Et nous aussi, on a une grosse soirée qui nous attend, parce que ce soir, ils seront avec nous. C'est Big Flo et Oli, je sais pas quand ils arrivent. Ouais. On a une belle surprise pour eux en plus. Hein. Un beau cadeau, en effet. Ouais. C'est eux, là, Big Flo et Oli, les Toulousains, les rappeurs toulousains. On a un disque d'or à leur offrir ce soir. Romano leur a volé le disque d'or, donc ils sont obligés de venir nous voir ce soir. Et passer un certain nombre d'épreuves, mais on les retrouvera tout à l'heure. Big Flo et Oli. Fred, semaine prochaine dans Planète Rap. La semaine prochaine, c'est Alonso. Papé, Marseille à l'honneur. Ouais, ce soir, c'est Paris à l'honneur. Il y a PSG Bordeaux qu'on va suivre en direct. Ouais, oui. Allez, Paris. Une formalité. 20 minutes pour l'instant et 0-0 pour ton équipe du PSG, Fredo. Oui, pour l'instant. Pour l'instant, 0-0. Di Maria est sur le terrain. Hein. Les Bordelais, ils sont pas arrivés en métro, là. C'est une connerie ou pas? Je sais pas, j'ai pas vu ça. Ah, je sais pas, j'ai pas vu non plus. Dites-nous si vous savez, là. Non, mais j'ai. Ils sont arrivés en métro, Momo. En métro. Ouais, je crois qu'il y avait un problème sur le car, le bus. En panne, ils ont dû prendre le métro. Mais non. Ah, putain. Ah, vous avez pas vu ça? Non, j'ai même pas vu. Je sais pas si c'était une connerie ou pas, en fait. Mais je crois que c'est. A priori, non, c'est pas une connerie. Donc, ils sont arrivés en métro. Ils sont sur le terrain métro, les mecs. Du parc, là, pour l'instant. Bon, on suivra le gros match tout au long de la soirée sur Skyrock. Et puis, évidemment, on retrouve toute l'équipe dans un instant. Vous pouvez nous appeler. Hein. Oui. 01 53 40 30 20. L'équipe est là, elle vous attend. Le 41 759. On salue Blédard. On salue Carmelo qui est là. Bonjour à vous. On salue Hakim qui vient d'arriver aussi. Marie-Camille à qui on fait un bisou. Bah, allez-y. Profitez-vous aussi de la soirée si vous avez un truc à dire. Profitez-en. Big Flo il y arrive. Fredo, tu reviens tout à l'heure avec Niska. Niska tout à l'heure, ouais. Et nous, on démarre cette soirée. Bah, tiens, on va démarrer avec Silento. C'est parti. Gros son pour démarrer. Ouais. Silento, watch me. Et à tout de suite. Et à tout à l'heure, Fredo. À toutes. On arrive, c'est Radio Libre sur Skyrock. Pour la rentrée.